Tu es à présent sur British Connection, la dernière aventure du monde civilisé, et tu n'en sortiras pas vivant. Bonjour, c'est Jean-Louis Bischoff, dans British Connection. Alors voilà, je suis l'auteur d'un ouvrage intitulé « Tribu musicale, faits religieux et spiritualité ». Enquête sur les mouvances rock, punk, goth, hip-hop, électro. Alors qu'est-ce qui m'a conduit à produire un tel travail ? Alors je suis prof de philo, j'enseigne dans les écoles d'art appliqué à Paris. J'enseigne également le français pour des étrangers à la fac de Créteil. Alors quel rapport entre la philo et le fait religieux musical ? En réalité, dans les années 80, j'ai produit une émission qui s'appelait « La musique est le plus cher des bruits » à l'Élysée Montmartre de Paris, avec en collaboration avec Rock'n'Folk et Garance Productions. Cette occasion, j'ai rencontré évidemment des tas de personnes porteurs de questionnements un peu différents. J'ai tout arrêté à la trentaine pour reprendre des études de philo, de sciences des religions et de littérature. Je fais une thèse, un mémoire d'habilitation à diriger des recherches et je suis aujourd'hui donc docteur en philo, habilité à diriger des recherches en littérature et diplômé en sciences des religions. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce bouquin ? Dans ce bouquin, j'ai passé au tamis de la rationalité des tas de sensations que j'avais connues à l'époque. Et ce qui me frappait beaucoup, c'est que quand on parlait, à ce moment-là, il y avait un champ lexical du religieux. Puis évidemment, tout le monde sait que le religieux et le fait religieux entretiennent des liens d'intimité. Je vais simplement parler d'Elvis, que le dictionnaire du rock présente comme ayant annoncé le rock au monde entier. Alors, ça m'a donné à penser la phrase d'un célèbre rocker français, Dick Rivers, qui disait que le rock est Dieu, Elvis est son prophète. Alors, tout le monde sait, tout le monde connaît aussi l'itinéraire chaotique de Patti Smith. À 11 ans, elle était témoin de Jéhovah, est très sensible au bouddhisme. De l'autre côté, tout le monde connaît aussi le lien que les Stones, Sympathy for the Devil, avaient noué avec un certain Wenger qui avait tenté de les gouroutiser. Enfin voilà pourquoi j'ai fait ce bouquin, voilà en introduction. Pour commencer, je vous propose d'écouter Amazing Grace du King. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. First we go. Alors un mot sur les termes du titre, tribu, j'entends par tribu un groupement affinitaire, ou dit autrement une micro-mouvance urbaine dynamisée par des affinités électives et sélectives. C'est-à-dire, encore en d'autres termes, c'est des mecs et des nanas qui s'habillent, qui parlent de la même manière. Et c'est la musique qui s'atélise autour des modes d'être. Voilà pour tribu, pour fait religieux et spiritualité. En gros, je me suis intéressé dans ce travail à des spiritualités sauvages, c'est-à-dire à des spiritualités, à des faits religieux qui se déplient et se déploient hors des gestionnaires officiels du sacré, c'est-à-dire hors du temple, de la Sina, ou des églises. C'est pour ça que je me suis intéressé au paganisme rock, à la gnose punk, à l'occultisme goth, à l'humanisme transcendantal hip-hop, tous des termes que j'explique dans ce bouquin. Paganisme, par exemple, ça vient de Pagus. Paysan, c'est celui qui croit en tout. Et on remarque que dans le dictionnaire du rock de Michika Assayas, le rock est présenté comme présentant des connexions avec l'animisme, hein, animisme de anima, âme. C'est l'animisme étant la première de toutes les formes de religiosité. Un mot sur le chamanisme, qui est un terme très employé en milieu rock, c'est pour ça que je vais vous, qui est une croyance sauvage, pour ça que je vous propose d'écouter Shaman Blues de Jim Morrison. It's only rock, British Connection. It's only rock, British Connection. Another one like you. There will never be another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try a little try? Please stop and you remember we were together. Have a certain evening you can lend to me. I'll give it all right back to you, how it has to be with you. I know your moves and your mind, and your mind, and your mind, and your mind. And wonder just what you'll see out on the train yard, nursing penitentiary. It's gone. I cry out long. Wait, brother. Thank you. the pain. They'll be dead in hell before I'm born. Sure thing. Bridesmaid. The only solution. Isn't it amazing? Ouais, alors pourquoi au final j'ai fait ça? Mais tout simplement, je me suis servi des tribus musicales comme d'une loupe grossissante permettant de mieux comprendre les fluctuations intellectuelles, culturelles, économiques et spirituelles des temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'appelle dans mon bouquin les hommes vers le bruit, c'est-à-dire les adeptes du tribalisme musical, nous donnent beaucoup à penser le désenchantement du monde, son réenchantement, qui est le paradigme religieux en fait du 21e siècle. Et finalement, il nous invite à penser ce que les chauffeurs de taxi appellent, ou les médias mainstream, la quête de sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément et comment je m'y suis pris pour mener à bien mon projet? Ben, j'ai procédé à des distinctions lexicales. C'est ça qui fait, à mon avis, la spécificité de mon bouquin. Parce que des bouquins sur le fait religieux, de manière épargne, il y en avait beaucoup. Hein, mais il manquait peut-être un ouvrage qui synthétise tout ça et qui surtout entre dans l'intelligence des termes. Parce que, bon, j'ai employé le mot chamanisme à propos de Morrison, mais bon, c'est, pour beaucoup de gens, c'est un mot valise, hein. C'est-à-dire qu'on lui donne le sens qu'il transporte est assez vague et nébuleux. Mais c'est vrai pour tous les mots du religieux. D'ailleurs, il y a une grosse différence entre, par exemple, spiritualité, religieux et religion. La spiritualité, c'est l'exercice d'une capacité de dépassement propre à l'homme, qui se déploie dans la culture. Et moi, j'ai voulu, mon champ de recherche en philo, c'est la pop culture. Donc, pour ça que je me suis intéressé aussi aux tribus musicales. C'est la capacité, la spiritualité, c'est donc la capacité qu'a l'homme de mettre des ailes à la matière, hein, d'ouvrir toujours et encore, de découvrir toujours et encore les possibilités du déjà-là. Et les hommes vers le bruit nous disent, dans leur désir de bruit, qu'au fond, ils militent pour un monde souvent agencé différemment, pour un monde autre, mais aussi pour un autre monde, pour un ailleurs. D'où la définition que j'ai donnée au mot religieux, croyance, hein, j'y reviens, en des entités suprasensibles. Et puis, certaines de ces religiosités ont donné naissance à de véritables micro-religions, je pense à Morrison. Bon, pour terminer, je vous propose d'écouter une musique emblématique de la religiosité musicale goth et tribale, Baus. Écoutez une seule fois British Connection, et il y a toutes les chances que vous ne vouliez plus rien écouter d'autre. Yeah.

British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la dernière partie de l'album de la semaine. C'est l'album d'OTH, Sauvagerie, réédition, remasterisation. Salut, c'est Moch d'OTH. Alors, une petite anecdote sur le groupe. Un concert qu'on avait fait en première partie en Espagne, d'un groupe espagnol qui s'appelait Baron Roro. Dans une espèce de halle des sports, quoi. Il y avait 3-4 000 personnes. Et pendant qu'on jouait, en fait, une partie de la scène s'est effondrée devant la batterie de Bebe. D'un coup, tu as tous les rodistes qui sont arrivés, quoi. Il y en a un qui venait, qui maintenait la grosse caisse pour pas qu'elle tombe dans le trou. D'autres arrivaient avec des planches, des marteaux et des clous. Ils ont commencé à bricoler le trou, quoi. Pendant qu'on jouait, quoi, nous, on s'est pas arrêté parce qu'on trouvait ça marrant, quoi. We'll be right back. peine de mettre vos Rangers, Clippers, Santia ou Doc Martins dans la cheminée. Sur British Connection, Noël, c'est toute l'année.